courant de la semaine. J'avais une idée à tête, un sujet que je voulais adresser, j'ai été convaincu en regardant les sujets qu'on devrait commencer peut-être par ce sujet qu'on va regarder en fait un matin. J'ai changé de sujet. Puis la prochaine fois que je viens en fait, on regardera l'autre que j'avais en tête. Vous allez voir, il y a une belle suite dans les idées. Les dernières fois que j'étais venu ici, on avait parlé du problème de mal. Puis avant ça aussi, comment que la Bible répond à le problème du mal. Je vous avais suggéré que selon la parole de Dieu, la réponse à toute la souffrance qu'on vit, à toute la souffrance dans ce monde, c'est Jésus-Christ sur la croix. C'est ça la réponse biblique aux souffrances qu'on vit. Et c'est justement ça, de ça, que je veux parler un matin, la croix de Christ. Je ne sais pas si c'est encore la mode. Je me rappelle quand j'étais jeune, c'était une mode pour les femmes de porter des bijoux de croix parfois. Des fois, les hommes ont porté ou même des femmes ont porté un genre de je ne sais pas comment on appelle ça encore, une chaîne avec une croix là-dessus. Des fois, on voyait des personnes qui avaient des chandails avec une croix là-dessus. Jean Chrysostome, qui était père de l'Église dans les années 300, début 400, dans un petit traité intitulé « Le Christ est Dieu », il cherche à démontrer de toutes plein de manières que Jésus-Christ est en fait Dieu. Et à travers ça, on trouve les paroles suivantes. Maudit est-il écrit dans le Deutéronome, quiconque est pendu au bois. Et maintenant, ce bois infâme, ce bois maudit, cet effrayant symbole de la mort des scélérats, est un objet de vénération et d'amour. Rien n'embellit la couronne impériale comme la croix, ce joyau le plus précieux que le monde. Elle était, jadis, universellement abhorrée. Et partout aujourd'hui, nous en voyons l'image, chez les princes et les sujets, chez les femmes et les hommes, chez les vierges et les personnes mariées, chez les nobles et les esclaves. Chacune trace à chaque instant ce glorieux signe sur la plus noble partie de son corps. On le porte constamment au front comme un trophée sur une colonne. Elle rayonne de toutes parts, dans l'intérieur des maisons, sur la place publique, dans les déserts, sur les routes. Si vous allez dans le coin de la Gaspésie, à un moment donné, on passe sur un bateau avec la voiture. Puis en passant une rivière, un genre de fjord, si tu regardes au bout du fjord, c'est quoi qu'on voit? Trois croix sur les montagnes, en plein milieu de nulle part au Québec. Sur les routes, au sommet des montagnes, au fond des bois, au milieu des mers, sur les navires et les îles, sur les lits et les vêtements, elle est gravée sur les arbres, sur les vases d'or et d'argent. Elle décore la chambre nuptiale et la salle du festin. Elle brille au milieu des pierreries et des peintures murales. On la place sur les bêtes qu'un mal contagieux dévore et sur les hommes que le démon tourmente. Dans la guerre et dans la paix, pendant le jour et pendant la nuit, au milieu des fêtes mondaines et des austérités de la pénitence, plane l'image de la croix. Tant on aime ce signe de salut, tant on éprouve de bonheur à se réfugier sous son ombre. Tous l'embrassent avec amour. Nul ne rougit désormais de cet instrument de mort, de ce symbole de la malédiction. C'est un joyau que tout le monde préfère aux couronnes, aux diadèmes, aux diamants les plus précieux. L'horreur a fait place à l'admiration et la répulsion au désir. Vous l'apercevez partout, encore une fois, au sommet des édifices et dans l'intérieur des maisons. Vous voyez que des fois, même dans des fenêtres et des portes, on voit la croix. Dans les villes et les solitudes, elle orne la page que vous lisez aussi bien que les routes où vous portez vos pas. Ici, volontiers, je demanderai aux païens d'où vient qu'un signe d'anathème et de torture soit devenu un objet d'espérance et d'amour si ce n'est pas de la merveilleuse puissance du crucifié. Je pourrais juste arrêter là. Ce croix, instrument de torture, est devenu symbole de l'amour divin. non seulement pour les premiers chrétiens, mais aussi pour tous les chrétiens de l'histoire du monde. Le croix, qui symbolise une des pires morts que tu pourrais imaginer, est devenu le symbole de la vie pour les chrétiens. L'Église est réellement, quand on y pense bien comme il faut, et c'est ça que je veux vous démontrer ce matin, l'Église est une communauté de la croix. Un matin, je veux commencer en regardant qu'est-ce que vraiment la croix. Parce que des fois, quand on le porte comme bijou, ou qu'on le mette sur nos murs, ou qu'on le mette dans les décorations, on a une petite croix ici, sur la petite image-là, des fois, on oublie qu'est-ce que c'est vraiment la croix. Qu'est-ce que ça symbolisait pour des personnes de la première siècle. Je veux regarder ça en premier, puis après ça, je veux regarder comment que la croix change nos vies. Comment que la croix devrait avoir un impact dans littéralement tout ce qu'on fait comme chrétien, autant individuellement que comme Église. La mort sur la croix a toujours été, par-dessus tout autre, la mort de la honte. Le feu, l'épée, la hache, la pierre, le pruche ont, chacune à son tour, été utilisées par la loi comme moyen d'exécution. Mais ceux-ci ont été, dans de nombreux cas, tellement associés à l'honneur. Pensez-y, l'épée. Si tu étais un citoyen romain, tu avais été donné la peine de mort, tu avais l'honneur de mourir par l'épée. On enlevait la tête. Comme ça, il n'y a pas de douleur et il n'y a pas de honte. Ils ont été tous associés avec l'honneur. Que la mort, par l'intermédiaire de ceux-ci, n'a pas été comptée comme soit maudit ou soit honteux. Ce n'est pas le cas pour la croix. Sa victime, clouée en agonie sur les bois rugeux, suspendue nue et déchirée au regard des multitudes, a toujours été vue comme un être humain honteux et dégradé, plus à moquer qu'à pitié. Chez les Juifs et les gentils, les païens, le mal et le bien-être, la malédiction et non la bénédiction ont été liés à la croix. Dans la pensée et les symboles humains, c'était traité comme un synonyme d'ignominie, de faiblesse, de criminalité. Sur la mort sur la croix romaine est une des morts, on nous dit, la plus douloureuse et certaine que l'homme a inventée. Ce n'est pas une mort tranquille, ce n'est pas une mort rapide. Samuel Houghton, un médecin bien respecté dans les années 1800, il a écrit au sujet de la mort de Jésus que la mort par crucifixion provoquait un afflux de sang dans les poumons similaire à ce qui se produit par la mort par noyade ou empoisonnement. L'histoire des jours ayant précédé la crucifixion de notre Seigneur permet d'exclure toute autre hypothèse concernant sa mort. Il ne subsiste donc aucune supposition possible pour expliquer le phénomène relaté dans les évangiles de Jean, si ce n'est la combinaison de crucifixion et la rupture du cœur. Jésus est mort sur la croix, selon Houghton, d'une rupture de cœur. Il se base sur ce que l'évangile de Jean dit en Jean chapitre 19, 33 à 34. Où ce qu'on dit, arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui brisa pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Juste pour vous donner l'idée rapidement, qu'est-ce qui se passe dans une crucifixion, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, mais dans une crucifixion, l'homme était mis sur la croix, les clous n'étaient pas dans les mains comme on voit souvent dans les images. On dit ben ils ont cloué dans les mains et nous on imagine ben la main ça commence ici fait qu'ils l'ont mis dans la paume. Mais la main faisait référence à partir d'ici en fait et lorsque le clou y allait il allait mettre le clou à peu près ici dans le bras pour passer entre les deux os puis après ça pour les deux mains il serait cloué sur la croix puis quand la croix était élevée debout les clous allaient déchirer la peau pour arrêter directement sur l'os ici. Alors la personne était littéralement pendue, son bras étant déchiré, pendu sur ses poignets. Ses pieds étaient cloués ensemble et pendu de même, je vous invite pas à faire le test, pendu de même sur la croix, tout son poids sur ses bras, il n'était pas capable de respirer. Sauf que c'était la seule manière qu'il pouvait trouver du soulagement de la douleur. Parce que pour pouvoir respirer, il devait pousser sur les clous dans ses pieds et tirer sur les clous dans ses poignets pour pouvoir respirer. Douleur étant intense, il se relâche. Mais il n'est plus capable de respirer, donc il se relève. Douleur intense, il se relâche. Et c'était ça, la fin de vie d'une personne qui était pendue aux croix. On nous dit qu'il mourait. S'il ne mourait pas, il pourrait souffrir de cette manière pendant plusieurs jours. La seule raison pour laquelle on avait tué les... la raison pour laquelle on cassait les os des jambes, c'était qu'il n'était plus capable à un moment donné de s'élever avec ses jambes. Et il perdait la force dans les bras, évidemment, et donc éventuellement, il allait mourir, suffoqué. Quand il allait pour briser les jambes de Jésus, il était déjà mort, et donc ils n'ont pas brisé ses jambes. Michael Byrd, un théologien réformé aujourd'hui, il répète quelque chose de semblable à Jean, ce que disait Jean Chrysostome quand il dit « Personne ayant vu une crucifixion aurait pensé de la transformer en œuvre d'art ou d'utiliser comme modèle pour des bijoux. » Imaginez, là, combien de vous allez se promener avec une petite chaîne avec une chaise d'électrocution? Ou avec une guillotine. Ça, on met des petites guillotines sur les boucles d'oreilles, là, ça ne serait pas ce pire. Là, on ne fait pas ça. C'est dégueulasse. Et pourtant, on met le croix partout, comme décoration dans nos maisons, comme bijoux. Il continue. Si vous avez déjà vu une crucifixion, si vous auriez déjà vu une crucifixion, et ils étaient d'ailleurs assez communes dans certains endroits, comme la Judée, l'expérience aurait été vraiment terrifiante. Pas quelque chose que vous voudriez répéter. Je vous ai donné une petite idée un matin. C'est rien, là. Si vous avez vu Le Passion du Christ qui est sorti voilà quoi, quasiment 15 ans maintenant, ça donne une petite idée de qu'est-ce que c'était. Et ça, c'est même pas assez violent. Il dit... Cela vous laisserait avec des souvenirs irrépressibles d'hommes à moitié morts et nus qui meurent par une mort qui était prolongée pendant des jours. Couverts de sang et de mouches, leur chair rongée par des rats, leurs membres déchirés par des chiens sauvages, leurs visages piqués par des corbeaux, des victimes étaient moquées continuellement et raillées par les tortionnaires qui jouissaient de leur métier. Ceux qui tuaient sur la croix, c'est pas comme s'ils faisaient ça par obligation. Ben c'est mon job, j'ai tout obligé de le faire, donc je vais le faire. À la longue, ils faisaient ça par pure joie de torturer. Peut-être même, il y avait des familles des crucifiés proches, pleurant de manière incontrôlable et totalement impuissants pour faire quoi que ce soit pour les crucifiés. C'était ça que tu verrais si tu avais assisté à une crucifixion. La croix, dans le premier siècle, n'était pas quelque chose de beau. C'était la pire manière de mourir. La croix était une manière de tuer les criminels et les ennemis politiques dont on voulait non seulement les tuer, on voulait les moquer et les faire honte publiquement. Ils étaient mis tout nus en avant de tout le monde, qui riaient d'eux autres. Et c'était une véritable horreur, c'est le sujet des cauchemars, honnêtement. De plus, si ça ce n'est pas assez, juste la réalité de qu'est-ce que c'est la croix. De plus, les Juifs voyaient la mort sur leur croix comme un signe d'une malédiction divine. En Deutéronome 21, 22 à 23, que je viens de lire dans la citation de Jean Chrysostome, on lit ceci. « Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à une bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu te donne en héritage. Bien entendu, on a dans ce verset non seulement une affirmation qui a influencé la perception juive du crucifixion, mais nous avons même une prophétie du Messie. Pendu au bois et enterré le même jour. Pour vraiment comprendre l'horreur des Juifs face à la croix, on doit non seulement comprendre à quel point c'était atroce, dégueulasse et horrifiant, il faut aussi comprendre que c'était pour les Juifs l'évidence que cette personne est haïe par Dieu. Donc, pour les Juifs du premier siècle, et ici on parle aussi des apôtres qui étaient des Juifs du premier siècle, la mort sur la croix était loin d'être l'évidence que cette personne est bénie par Dieu, ou que c'est une personne qui parle de la part de Dieu, ou que c'est un prophète de Dieu. Ce n'était pas ça, là. On peut commencer à comprendre pourquoi Paul pourrait dire que la prédication de la croix était une folie. Rajouter à ceci, non seulement la réalité de la crucifixion, non seulement la perception juive de la crucifixion, rajouter à ceci que Jésus a aussi, pendant qu'il était sur la croix, subi la colère de Dieu à notre place. Et on entend son cri, pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Deuxième personne de la Trinité qui jouit de l'amour dans la Trinité depuis toute l'éternité. Pourtant, la prédication chrétienne, quand on lit les Écritures, quand on lit les documents des premiers siècles chrétiens, toute la prédication chrétienne tournait autour de la croix. Pourquoi? N'est-ce pas ridicule? Pourquoi est-ce qu'on prendrait ce qui est clairement un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs? Pourquoi est-ce qu'on prendrait ça comme central à notre message? La raison très simple, et Jean Chrysostome lui fait allusion déjà, c'est que par la mort de Jésus sur la croix, nous sommes justifiés devant Dieu, nous avons la paix et la réconciliation avec Dieu, nous sommes sanctifiés par Dieu et nous recevons la garantie de la gloire future auprès de Dieu. Par la croix, c'est central à toute la vie chrétienne. Dans son épître aux Colossiens, Paul dit, Colossiens chapitre 1, 19 à 20, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, Jésus, toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Et dans le prochain chapitre, chapitre 2, 13 à 15, il dit ceci, et c'est un de ces versets les plus puissants que tu pourrais lire. Ça vaut la peine de le mémoriser. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Écoutez bien ce qu'il dit ici. « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. » Tout allait contre nous. « Il l'a effacé. » Comment? « Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement. Notez-le bien, les Romains l'ont mis sur une croix pour faire un spectacle, pour moquer de ce fameux roi d'Israël. Et qu'est-ce que dit Paul? Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Car, dit Paul en Romains, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, Notez tout ce qui est rattaché à la croix, là, à la mort de Jésus-Christ. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Toute l'humanité était condamnée comme pécheur devant Dieu. On ne méritait rien d'autre que la mort éternelle. À nous-mêmes, tout seuls, c'est tout ce qu'on mérite. Mais par la mort de Jésus sur la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Il nous a étendu le pardon. Nous avons échappé par son sacrifice au juste jugement, le colère de Dieu. Nous avons été justifiés, nous avons une nouvelle vie et la promesse de la vie éternelle. J.C. Ryle, un grand prédicateur de l'Évangile, dans une petite prédication qui s'appelle « What think you of the cross? » Que penses-tu de la croix? Il dit ceci, « Les gens, il me semble, ont oublié que toute la souffrance du Christ sur la croix était nécessaire pour le salut de l'homme. Ils devaient supporter nos péchés s'ils étaient pour être supportés. Avec ses rayures, seuls, nous pourrions être guéris. C'était le seul paiement de notre dette que Dieu accepterait. Ce fut le grand sacrifice dont dépendait notre vie éternelle. Si le Christ n'était pas allé à la croix et n'avait pas souffert à notre place, le juste pour l'injuste, il n'y aurait pas eu un seul étincelle d'espoir pour nous. Il aurait eu un puissant abîme entre nous et Dieu qu'aucun homme n'aurait jamais pu passer. Le plus grand combat de l'histoire humaine, on peut penser à toutes ces guerres, mais le plus grand combat le plus important de l'histoire humaine, s'est passé dans le premier siècle sur une croix romaine. Et c'est Jésus qui est sorti vainqueur. Une seule contre l'humanité, d'un certain sens, contre le péché, contre Satan. Et en faisant ce guerre, il nous a gagné la paix. Cette croix, qui pour les premiers chrétiens était symbole de la mort, est devenu littéralement un symbole de la vie par l'acte de Jésus-Christ sur la croix. Dans cette même prédication, Riley dit ceci, « Vous pouvez connaître beaucoup de choses au sujet de Christ par une sorte de connaissance de la tête. Vous savez qui il était et où il est né et ce qu'il a fait, ses miracles, ses paroles, ses prophéties et ses ordonnances. Comment il a vécu, comment il a souffert et comment il est mort. Tout ça, tu peux le savoir par une sorte de connaissance de la tête. Il s'agit de lire les évangiles et n'importe qui peut le faire puis les comprendre. Mais, dit Ryle, à moins que vous connaissiez le pouvoir de la croix du Christ par expérience, à moins que vous sachiez et sentez à l'intérieur que ce sang versé sur cette croix a emporté vos propres péchés, à moins que vous êtes disposé à avouer que votre salut dépend entièrement du travail que Christ sur la croix, alors le Christ ne vous profitera rien si vous ne croyez pas que c'est pour vous. Le simple fait de connaître le nom de Christ ne vous sauvera jamais. Vous devez connaître sa croix et son sang, sinon vous mourrez dans vos péchés. Par ce quoi nous sommes sauvés de Dieu, de son colère, pour être réunis avec Dieu, notre Père. Celui qui a été juge devient le Père qui nous aime et qui nous accueille par la croix de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on nous informe que dans le premier siècle, les chrétiens mettaient toute leur attention sur la croix de Christ. Leur prédication, c'était la croix. Leur adoration tournait autour de la croix. Tout tournait autour de la croix, qui était devenue un symbole de puissance et de gloire. Paul dit, par exemple, en Galates chapitre 6, verset 14, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que la croix de Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Michael Byrd, que j'ai mentionné tantôt, nous informe que dans l'Église primitive, c'est la croix qui a percuté la culture chrétienne. C'était célébré dans l'adoration, dans les premières hymnes. C'était central à l'Évangile, central dans le baptême, dans le repas du Seigneur et dans toutes les œuvres chrétiennes. Tertullien, au IIe siècle, dans un petit traité qui s'appelle « Autour du couronne » ou « Sur le couronne », il dit ceci, « Dans tous nos voyages et nos mouvements, dans toutes nos entrées et sorties, en mettant nos chaussures au bain, à la table, en allumant nos bougies, en reposant, en s'asseyant, quel que soit l'emploi qui nous occupe, nous marquons notre front avec le signe de la croix. Au deuxième siècle, c'est ça qu'ils faisaient. C'était vraiment leur croix qui était centrale à tout. On a déjà lu la citation de Jean Chrysostome. Ceci nous fait croire que le christianisme est réellement une communauté de la croix. Mais je veux aller un peu plus en détail. On veut regarder un matin comment que la croix devrait être centrale à tout ce qu'on fait. Nous sommes appelés à être des disciples de la croix. Paul, Galates chapitre 6, verset 14, on a déjà lu, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que par la croix, que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul lie la croix à la nature de qu'est-ce que ça veut dire être un disciple de Jésus-Christ. Un disciple est une personne qui est crucifiée avec Christ au monde, qui ne se glorifie pas, mais qui se glorifie seulement de la croix. C'est ça, un véritable disciple. Un groupe local de disciples de Jésus-Christ, c'est ça, une église. On pourrait dire ça d'une autre manière. Une église, c'est un groupe local de disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quoi? C'est une personne qui est crucifiée à ce monde. Ce n'est pas juste Paul qui lit le fait d'être disciple à la croix. En fait, notre Seigneur lui-même, il dit, en Luc 14, verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Matthieu 10, 39, « Celui qui aurait gardé sa vie la perdra, et celui qui aurait perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Être disciple de Jésus-Christ signifie porter sa croix, porter ta croix. Ça implique qu'on meurt à ce monde et les choses de ce monde. Ça implique qu'on fait la poursuite constante de la sanctification personnelle. Comme le disait l'auteur des Hébreux aux Hébreux, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Et Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit, « Je suis crucifié avec Christ. » Notez encore, c'est lié à la croix. « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour lui-même pour moi. » Nous sommes des disciples crucifiés d'un Seigneur crucifié. Nous sommes crucifiés à ce monde et ce monde à nous par la croix de Christ. Mais en plus, nous avons besoin de prendre notre propre croix et le porter. Ce n'est pas sa croix qu'on porte. On ne porte pas la croix de Jésus-Christ. On porte notre propre croix. Ce n'est que lui qui pourrait porter sa croix. Et c'est une chance qu'il a faite. Nous, on ne peut pas rien faire de ça. C'est notre propre croix nous appelant à l'abnégation de soi, du chair et du monde. Nous indiquant la voie de l'humiliation, l'épreuve, le travail, la faiblesse, le reproche, comme la voie suivie par notre propre maître, Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait, d'ailleurs. Donc, qui on est, c'est rattaché à la croix. Nous sommes des crucifiés. C'est ce qu'on est. Nous sommes de nature des crucifiés. Crucifiés avec le crucifié. Ce qu'on est. Mais, en plus de ça, tout ce qu'on fait est attaché à la croix. J.C. Ryle, dans cette même prédication que j'ai mentionnée tantôt, il dit ceci, « Méfiez-vous. » Et je vous donne ça comme avertissement, tout comme lui l'a donné comme avertissement dans le début des années 1900. Méfiez-vous de n'importe quelle religion dans laquelle la croix n'est pas vraiment présente. Si la croix n'est pas là, ce n'est pas la vérité. Dans cette même prédication, il fait remarquer ceci. La croix est le fondement de la prospérité de l'Église. Il dit ceci, au début des années 1900, il aurait pu prêcher ça aujourd'hui. Aucune église ne sera jamais honorée si le Christ crucifié n'est pas continuellement élevé. Rien ne peut compenser le manque de la croix. Sans cela, tout peut être fait de manière décente et dans l'ordre. Sans elle, il peut y avoir des splendides cérémonies, de la belle musique, des pasteurs qui ont des connaissances, des foules qui participent au repas du Seigneur, de grandes collections pour les pauvres. Mais sans le croire, aucun bien ne sera fait. Notez-le bien. On peut faire toutes ces bonnes choses. On peut avoir des belles prédications. Je peux venir pour une prédication ici à mon église. Vous pouvez avoir les meilleurs prédicateurs qui viennent ici, qui font des prédications. Mais si le croix n'est pas élevé, c'est en vain. Tout ce qu'on peut faire comme église, peu importe ses croix, si le croix n'est pas central, on n'a pas fait du bien. En fait, pensez-y comme il faut. Tu pourrais aller faire un voyage d'aide humanitaire. Mais si la croix n'est pas centrale, tu as fait quoi de plus que non-croyant qui s'en va faire un voyage humanitaire? Tu n'as rien fait. Le Nouveau Testament enseigne très clairement. Et qu'est-ce que je veux faire dans les moments qui s'ensuivent en terminant? Et je dis en terminant, il y a un gars dans mon église qui commence à faire un joke avec moi. Quand je dis terminant, il lève sa main 5 minutes, parce que normalement, quand je dis terminant, il en reste encore 20. Donc, je veux regarder les choses principales que Dieu nous a données à faire. Ces choses qui sont vraiment des identifiants d'une véritable église. Tu veux savoir c'est quoi une véritable église? Tu veux être capable de regarder une assemblée ou communauté de croyants et dire, OK, ça c'est une église chrétienne. C'est les choses suivantes que tu devrais être capable de voir. Puis qu'est-ce qu'on va voir très clairement, c'est que la croix est centrale à chacune de ces choses. Il y a deux choses que Jésus nous a données à l'Église en Matthieu 28, 19 à 20. Allez, enseigner tout ce que je vous ai enseigné et faire des disciples. On vient de parler de faire des disciples. Et quand vous faites des disciples, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a trois choses, excuse-moi. Enseigner, baptiser. On va commencer avec ces deux-là. Le Nouveau Testament enseigne très clairement que la prédication de l'Évangile, c'est la première tâche de l'Église. C'est pour ça qu'on est ici. Si vous venez à l'Église, ce n'est pas juste pour voir des gens. Si c'est pour ça que tu viens, je peux vous dire qu'il y en a d'autres clubs sociaux qui sont probablement plus intéressants. Franchement, tu peux te joindre à un club de moto. Tu peux te joindre à un club de skidoo ou de snowmobile. Ça va être plus le fun. Surtout sur une belle journée de même, tu n'es pas obligé de venir dans une grande église. Fait que si c'est juste pour la socialisation que tu viens ici pour voir des amis, je vous invite de quitter l'église parce que ce n'est pas votre place. Si on vient à l'église, c'est pour la prédication de l'Évangile. C'est pour entendre la parole de Dieu enseignée. C'est pour reconnaître que nous sommes des pécheurs qui ont toujours besoin de remettre devant la croix de Jésus-Christ, de chercher sa face. C'est bien beau vouloir faire plein d'activités, que ce soit pour s'amuser ensemble ou pour attirer des gens à l'église, ça c'est bien, c'est pas mauvais. Il ne faut pas oublier que la tâche principale de l'église, c'est la prédication de l'Évangile. Paul, en Romains 10, il dit, « Comment donc invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans prédicateur? » Tu ne peux pas entendre parler de l'Évangile s'il n'y a personne qui l'annonce. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? En 1 Corinthiens 1, 18, Paul dit, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. » C'est là qu'ils trouvent la puissance de Dieu. Quelques versets plus tard, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants, comment? Par des bonnes œuvres qu'on fait, par des soupes populaires, par des choses qu'on fait pour aider des pauvres. C'est quoi que dit la parole de Dieu? Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Point. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous aidons les pauvres. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je veux juste qu'on remette notre regard sur ce qui est le plus important et qui devrait être la motivation pour aider les pauvres. C'est quoi que dit Paul? Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ. puissance et sagesse de Dieu. En effet, Paul explique sa propre approche à l'évangélisation en disant ceci. 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé pour vous annoncer le témoignage de Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Moi, c'était quoi, dit Paul? C'est quoi mon tactique d'évangélisation? C'est très simple. Je ne m'en viens pas avec une parole de sagesse. Je ne m'en viens pas avec toutes ces connaissances qu'une personne pourrait avoir pour vous émerveiller. Je viens avec une chose, Christ crucifié. Dès le départ, selon la parole de Dieu lui-même et dans l'Église primitive, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la prédication de la croix est le cœur de l'Église. Si tu rentres dans une Église, on peut lui donner plus qu'un dimanche, parce que parfois, il y a d'autres sujets qu'on doit aborder. Mais si tu es là pendant plusieurs mois et tu n'entends pas la prédication de la croix, tu n'es pas dans une véritable Église. Ce qui doit être central à toute communauté chrétienne, c'est la prédication de la croix, la prédication du Christ crucifié, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. La communauté de la croix est appelée à la prédication de la croix. Le baptême. J'avais mentionné qu'il y avait deux choses, la prédication et le baptême. Le baptême de l'Église de Jésus-Christ s'est fait par l'immersion d'un croyant sous l'eau, signifiant sa mort avec Jésus-Christ. Et on ne le laisse pas là. On a eu un baptême dimanche passé, puis c'était mon plaisir de pouvoir le relever. Mort avec Jésus-Christ et ressuscité à une nouveauté de vie. Le baptême est un symbole qui tourne autour du Christ crucifié et ressuscité. Le baptisé descend dans les eaux de baptême par obéissance au crucifié. Paul dit, Romains chapitre 6, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Dans sa lettre aux Colossiens, il dit, « Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. » La communauté de la croix démontre qu'elle s'associe à la croix de Jésus-Christ par le baptême public, par lequel il annonce à tous les coups que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Vous savez quoi? Je vais toucher sur un sujet difficile. La discipline dans l'Église. Il me semble qu'à toutes les fois qu'on parle de ce terme-là, il y a des dents qui grichent. On peut quasiment les entendre ici. La discipline dans l'Église. Paul lit la discipline de l'Église à la croix. Il dit ceci. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion. » Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Père et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Notez qu'est-ce qu'il dit. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Mais évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi de toi après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Vous avez vu le lien? Il vient tout juste de parler de la grâce de Dieu qui nous est donnée par la croix du Christ. Et sur la base de cette grâce, nous sommes appelés à la sanctification personnelle et à s'éloigner de la communauté de l'Église, tous ceux qui ne recherchent pas cette sanctification, après un premier et un deuxième avertissement. La communauté de l'Église, de la croix, s'exhorte mutuellement à vivre selon la croix. C'est ça la discipline d'ailleurs. C'est quand on parle de discipline, on pense juste à cette dernière étape. On les repousse. En fait, la discipline de l'Église, c'est quand que je vois ta vie, puis je suis capable de venir te voir pour dire, mon frère, ma soeur, dans ta vie, tu as telle chose qui ne va pas bien. Je t'exhorte. Reviens à la croix. Ça, c'est la première étape de la discipline de l'Église. C'est une supplication d'un frère à un frère, une soeur à une soeur, de retourner à Jésus-Christ. Puis après ça, il y a une deuxième supplication. Et si la personne refuse de se remettre au pied de la croix, Paul dit, on n'a plus rien à faire avec. Le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur a comme but de nous rappeler, de remettre devant nos sens le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Nous sommes, comme on sait, là, si on a vécu assez longtemps, nous sommes des créatures qui oublient facilement. Et le but du repas du Seigneur, c'est de nous rappeler de sa mort pour nos péchés et de son victoire sur la mort et de son glorieux retour. C'est ça le but du repas du Seigneur. Paul, en 1 Corinthiens 11, 23, 26, il dit ceci, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. » Le repas du Seigneur, c'est une chose qu'on fait en Église par ordonnance de Jésus-Christ qui nous a obligés, nous a demandé de faire ça à toutes les fois qu'on se rassemble. Et il dit, c'est pourquoi? Pour vous rappeler de ce que j'ai fait pour vous jusqu'à temps que je reviens. C'est un symbole par lequel on se rappelle de son sacrifice sur la croix. En conclusion, je vais vous donner deux citations. Une de J.C. Ryle, j'ai déjà cité, puis une de Jean Chrysostome. Puis après ça, on va aller dans un temps de prière commune. Je vais vous inviter à prier après. Puis je vais terminer avec un mot de prière. J.C. Ryle, il dit ceci. La croix du Christ. La mort du Christ sur la croix pour faire l'expiation pour les pécheurs. Et la vérité centrale de la Bible. C'est la vérité que nous commençons avec lorsqu'on ouvre en Genèse. La semence de la femme qui brise la tête du serpent n'est autre chose qu'une prophétie du Christ crucifié. C'est la vérité qui brille, bien que voilée, à travers la loi de Moïse et l'histoire des Juifs. Le sacrifice quotidien, l'agneau de la Pâque, l'effusion continue de sang dans le tabernacle et le temple. Tout ceci était des symboles du Christ crucifié. C'est la vérité que nous voyons honorée dans la vision du ciel avant de fermer le livre de l'Apocalypse. Où ce qu'on lit en Apocalypse 5, 6. Au milieu du trône et des quatre bêtes, notez-le bien qu'est-ce qu'il dit, on nous dit, et au milieu des anciens se tenait un agneau qui semblait immolé. C'est le Christ crucifié qui est au ciel, victorieux, avec les marques de sa crucifixion. Même au milieu de la gloire céleste, dit Ryle, nous avons une vision du Christ crucifié. Retirez la croix du Christ et la Bible n'est qu'un livre sombre. Je ne vous prêche pas un cliché ce matin, ni une genre de phrase qui peut être faite pour répéter, pour nous motiver et passionner. Je vous prêche la croix du Christ. Une chose qui s'est passée dans l'histoire. Jean Chrysostome continue ses pensées sur la croix du Christ en disant ceci: cet infâme gibet, j'y reviens encore, je ne saurais me laisser d'en parler, est désormais une gage de bénédiction, une mûre assurée de défense, une glaive mortelle contre le diable, un frein pour la rage des démons, le fléau des puissants ennemis. Il a renversé l'empire de la mort, brisé les portes d'arène et les verrous des prisons infernales, rasé la citadelle de l'esprit du mal, ôté au péché toute sa force, arraché le monde à la damnation qu'il avait encouru. Je ne dis pas assez. Ceux qui n'avaient pu ni la mer divisée, ni les rochers fendus, ni l'air bouleversé, ni la manne tombant dans le désert pendant 40 ans et nourrissant des milliers d'hommes, ni la loi donnée au peuple, ni les signes accomplis, soit dans le désert, soit dans la terre promise, la croix seule, ce bois maudit, abhorré de tous les hommes, objet d'exécration universelle, a pu accomplir complètement et sans effort, quand une fois, elle eut été baignée dans le sang de Jésus. Prenez le temps de prier ensemble. Je vous invite à se courber devant le crucifié qui a vécu la mort. Je vais terminer avec un mot de prière dans quelques instants. Merci Seigneur pour la croix. Par ce croix, tu as vaincu le mort, le péché et Satan, nous donnant la vie, nous conduisant dans la sainteté et nous libérant de tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Par ce même puissance qui était à l'œuvre sur ta croix, donne-nous salut et sainteté en toute tentation, joie et paix en toute tribulation, lumière et force en toute parole et action, et suprême protection à la mort. Que ta croix et la puissance divine par laquelle tu as ressuscité la mort, que ce soit pour nous une armure de foi et un bouclier de bonne volonté. Qu'elle soit l'expulsion de nos vices, l'extinction de la concupiscence et des désirs impurs, l'augmentation de la charité et de la patience, de l'humilité et de l'obéissance et de toutes les vertus. Une ferme défense contre les embûches de nos ennemis, visibles aussi bien qu'invisibles. Un apaisement complet de nos corps comme de nos esprits, une adhésion très ferme à vous, Dieu unique, et véritable, un heureux achèvement de nos fins. Bonté suprême, ô Jésus, je vous demande de nous donner un cœur épris de vous, qu'aucun spectacle, aucun bruit ne puisse distraire. Un cœur fidèle et fier, qui ne chancelle, qui ne descend jamais. Un cœur indomptable, toujours prêt à lutter après chaque tempête. Un cœur libre, jamais séduit, jamais esclave. Un cœur droit qu'on ne trouve jamais dans les voies tortueuses. Donne-nous, Seigneur, d'être dignes de porter nos croix en imitation de toi tous les jours de nos vies. Amen.